Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 4e, incarnation du Verbe. Chapitre 6, les trois jours qui précédèrent la résurrection. Mais ici encore nous ne trouvons point, selon le récit évangélique, trois jours pleins et complets. Car le premier et le dernier sont comptés chacun pour un jour entier, et toutefois l'un ne commença que vers le soir, et l'autre n'embrassa que quelques heures de la matinée. Le second seul fut complet, et dura 24 heures, 12 de nuit, et 12 de jour. Et en effet, Jésus-Christ fut condamné à mort, sur la demande des Juifs, le 6e jour de la semaine, et à la 3e heure du jour. Il fut crucifié le même jour à la 6e heure, et rendit le dernier soupir à la 9e. Mais, il était déjà tard lorsqu'il fut enseveli, et cette expression de l'évangéliste saint Marc signifie que la sépulture eut lieu au déclin du jour. Marc 15, 42 à 45. Ainsi, quand même vous suivriez le calcul de saint Jean qui marque le crucifiement à la 3e heure, vous ne trouveriez point un jour entier, et toujours vous seriez obligé de n'y comprendre que quelques heures du soir. De même que le dernier ne renfermera que quelques heures de la matinée. Et en effet, entre le soir du second jour jusqu'au matin de celui qui vit s'accomplir la résurrection du Sauveur, se placera le 3e jour. Ainsi le Dieu qui a dit à la lumière de jaillir des ténèbres et qui a voulu qu'en participant à la grâce du Nouveau Testament, et à la résurrection de Jésus-Christ, nous puissions entendre dire, « Ayant été autrefois ténèbres, nous sommes maintenant lumière en notre Seigneur, nous fait en quelque sorte entendre par là que le jour commence à la nuit. » Corinthiens 4, 6, Éphésiens 5, 8. Nous voyons encore par la Genèse, qu'en prévision de la chute de l'homme, les jours furent d'abord comptés du matin au soir, et de même ici, par allusion à sa rédemption, ils sont comptés du soir au matin. De plus, observons que le nombre des heures, y compris la 9e, qui s'écoulèrent depuis la mort du Sauveur jusqu'à sa résurrection, est de 40. Or, c'est également pendant 40 jours qu'il resta sur la terre après sa résurrection, et dans l'Écriture ce nombre 40 désigne souvent, par son rapport avec les quatre éléments du monde, l'idée d'une perfection absolue. 10 est en effet un nombre parfait, et 4 fois 10 font 40. D'un autre côté nous comptons 36 heures depuis le soir de la sépulture du Sauveur Jésus, jusqu'au matin de sa résurrection, c'est-à-dire 6 fois 6. Au reste le rapport de l'unité à la dualité est le principe de la plus belle harmonie. Ajoutez donc 12 heures à 24, et vous aurez 36, c'est-à-dire tout un jour de 24 heures, et 12 heures de nuit, ce qui ne laisse pas, comme je l'ai déjà observé, d'être un calcul mystérieux. Car il nous est bien permis de considérer le jour comme symbole de l'âme, et la nuit comme symbole du corps, puisque dans sa mort et dans sa résurrection, la sainte humanité du Sauveur figurait la mort et la résurrection de notre âme et de notre corps. Tel est donc dans le nombre 36 le rapport de l'unité à la dualité, puisque 12 ajouté à 24 nous donne 36. Au reste chacun peut rechercher les motifs qui ont conduit les écrivains sacrés à mentionner ces divers nombres. J'en ai donné quelques raisons, mais d'autres peuvent en apporter ou de meilleures, ou d'équivalentes. Seulement bien ignorant serait celui qui ne voudrait voir dans ces nombres aucune raison secrète et mystique. Pour moi, j'ai exposé celles que m'ont fourni la tradition et l'autorité de l'Église, le témoignage des saintes Écritures et la constante harmonie des nombres. Au reste, nul n'est sage s'il contredit la raison, Nul n'est chrétien s'il rejette l'écriture, et nul n'est ami de la paix s'il combat l'Église. Chapitre 7. Union des fidèles. Nous reconnaissons donc en ces nombres mystérieux, non moins que dans le sacrifice du calvaire, le prêtre et le Dieu, qui avant de paraître parmi nous et de naître de la femme, a voulu s'annoncer mystiquement à nos pères. Et en effet ces diverses apparitions d'anges, dont ils ont été favorisés, et les divers prodiges qu'opérèrent ces esprits célestes, ne furent que l'ombre et la figure du grand mystère de l'incarnation. C'est ainsi que toute créature prédisait à sa manière le futur avènement de celui qui devait être l'unique sauveur des hommes. Le péché nous avait séparés du Dieu suprême, unique et véritable, et, entraînés sur sa pente fatale, nous nous étions éloignés des principes de la vie. Nous nous étions ainsi évanouis en nos pensées, et brisant les liens qui nous rattachaient au ciel, nous étions devenus les captifs volontaires du monde et du démon. Il fallait donc, selon les conseils et les décrets d'un Dieu plein de miséricorde, que toutes les créatures proclamassent l'arrivée de notre unique Rédempteur, qu'il vint lui-même appeler par les cris et les soupirs de toute l'humanité, et qu'au ciel comme sur la terre tout attesta son heureux avènement. Il fallait encore que l'homme délivré de ses nombreux ennemis, se jetât aux pieds de son unique libérateur, et que souillé de 1000 péchés qui avaient donné la mort à son âme, et même à son corps, il en vint à aimer celui qui, seul pur, saint et immaculé, a voulu mourir comme homme, pour racheter l'homme. Enfin, il fallait que, croyant en sa résurrection, nous puissions par la foi ressusciter avec lui en esprit, et être justifiés en celui qui est le juste par excellence. Nous ressusciterons donc nous-mêmes en notre chair, puisque celui qui est la tête du corps dont nous sommes les membres, est ressuscité le premier. C'est par la foi en ce divin Rédempteur qu'aujourd'hui nous sommes purifiés, mais alors, confirmés en grâce par la vision béatifique, et réconciliés avec le Seigneur notre Dieu, par la médiation de Jésus-Christ, nous lui serons unis, nous jouirons de lui, et nous demeurerons éternellement avec lui. Chapitre 8. Le Christ veut cette union. Telle est l'ineffable unité que dans le discours après la scène, le Sauveur demandait pour nous à son Père, lui le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu qui, devenu Fils de l'homme, s'est constitué notre médiateur auprès de Dieu, et qui, égal à son Père en unité de nature divine, est notre frère par ressemblance de la nature humaine. Voici donc ces paroles où Jésus-Christ prit comme homme, mais où il rappelle aussi que comme Dieu il est un avec son Père. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui doivent croire en moi par leurs paroles, afin que tous ils soient un, comme vous, mon Père, en moi, et moi en vous. Qu'ils soient de même un en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jean, 17, 20, 22. Chapitre 9. Même sujet. Observons ici que Jésus-Christ ne dit pas « Je prie, afin qu'eux et moi soyons un ». Quoiqu'en qualité de chef du corps qui est l'Église, il eût pu le dire, parce qu'en effet l'Église ne forme qu'un seul corps avec Jésus-Christ, qui en est le chef. Mais il veut nous montrer sa consubstantialité avec son Père, aussi de même que dans un autre endroit il avait dit, « Le Père et moi sommes un ». Jean 10, 30, c'est-à-dire qu'il y a entre nous une parfaite égalité de nature. Il prie ici pour que ses disciples soient un en lui. Et en effet, ceux-ci ne pouvaient être un en eux-mêmes, parce que les passions, les plaisirs coupables et le péché les éloignaient les uns des autres. C'est pourquoi Jésus, notre divin médiateur, nous purifie d'abord de nos souillures, et puis nous fait un en lui-même. Mais cette admirable unité n'est point seulement une unité de nature qui rendrait tous les hommes égaux entre eux, ainsi que dans le ciel, les anges sont égaux. Elle est surtout une unité de volonté qui réunit comme en un faisceau toutes les volontés, et les fait converger toutes ensemble vers la possession du même bonheur, parce qu'un seul et même esprit embrasse tous les cœurs des feux du même amour. Ainsi se réalise cette parole du Sauveur, Père, qu'il soit un, comme vous et moi sommes un. Et en effet, de même que le Père et le Fils sont un par égalité de nature et conformité de volonté, les chrétiens qui reconnaissent pour leur médiateur auprès de Dieu le Père, Jésus-Christ, Fils de Dieu doivent être unis entre eux bien moins par les liens de la chair et du sang que par les rapports de la charité. Au reste, le Sauveur nous indique lui-même cet heureux effet de sa médiation divine et de notre réconciliation avec le Seigneur, quand il dit « Je suis en eux, et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité. » Jean 17, 23. Chapitre 10. La vie et la mort. Notre véritable paix, et notre alliance forte et assurée avec le Seigneur, repose donc sur l'acte d'expiation et de réconciliation que Jésus, médiateur de vie et de grâce, a daigné accomplir. Et de même un médiateur de péché et de mort nous avait ravi l'innocence, et nous tenait éloignés de Dieu, car le démon superbe et orgueilleux n'avait rempli le premier homme d'orgueil et de présomption que pour le conduire à la mort, tandis que Jésus-Christ, humble et humilié, l'a ramené à la vie par l'humilité et l'obéissance. Le démon vain et téméraire est tombé lui-même, et a entraîné l'homme qui consentit librement à ses suggestions. Mais Jésus-Christ en s'humiliant a mérité d'être exalté, et il a relevé avec lui le fidèle qui croit en lui. Sans doute Satan n'avait point été assujetti à la mort du corps, puisqu'il n'a point de corps, et que son péché n'était qu'un péché de pensée. Mais il n'en paraît pas moins à l'homme le prince de ces légions infernales qu'il emploie pour régner sur le monde par le mensonge et l'erreur. C'est par leur concours que tantôt il enorgueillit au moyen d'une fausse philosophie l'homme qui n'est déjà de lui-même que trop superbe, et qui ambitionne le pouvoir, bien plus qu'il n'aime la justice. Tantôt aussi il flatte sa curiosité non moins que son orgueil par l'appareil d'un culte sacrilège et de pratiques magiques, en sorte que tout ensemble il trompe les esprits, les précipite dans l'illusion et les tient captifs et assujettis. Quelquefois aussi, se transformant en ange de lumière, il promet à l'homme le pardon de ses fautes au moyen de certaines expiations, et fait briller à ses yeux le faux éclat de prestige mensonger. Chapitre 11. Que penser des prodiges opérés par le démon? Il est certainement facile aux esprits mauvais de produire à l'aide des corps aériens bien des effets qui étonnent même les meilleurs esprits, parce qu'ils sont unis à une chair qui les affaiblit. C'est ainsi que sur nos théâtres l'art et l'habileté des jongleurs exécutent avec des corps terrestres et matériels des choses si surprenantes, qu'il faut les avoir vus pour y croire. Est-il donc étonnant que Satan et ses anges opèrent, au moyen des éléments qu'ils mettent en jeu par leurs corps aériens, des prestiges capables de tromper les hommes? Bien plus, il nous présente mille fantômes et mille imaginations qui font illusion à nos sens, et qui, soit pendant notre sommeil, ou dans l'état de veille, nous fascinent et nous rendent furieux. Mais de même qu'un homme juste et honnête se permet de regarder de vils histrions qui dansent sur la corde, ou qui exécutent des tours incroyables de prestidigitation, sans qu'il ait en lui-même le moindre désir de les imiter, ni qu'il les croit meilleurs que lui. Ainsi le chrétien pieux et fidèle qui est témoin des prestiges que produisent les démons, et qui même par suite de la faiblesse humaine, les admire, ne leur envie point un tel pouvoir, et ne se juge point inférieur à eux. Et, comment pourrait-il le faire, puisqu'il appartient à cette société de saints qui comprend les hommes justes et les bons anges, et puisque ceux-ci, par la puissance souveraine du Seigneur, à qui toutes choses sont soumises, opèrent de véritables miracles, et des prodiges bien plus surprenants? Chapitre 12. Principe de vie et principe de mort. Il est donc impossible qu'aucune cérémonie sacrilège, non plus que nulle initiation impie, ou expiation magique puisse purifier l'âme et la réconcilier avec Dieu. Et en effet, le démon qui se pose ici en faux médiateur, ne saurait élever l'homme vers ses hautes destinées, et il ne cherche même qu'à l'arrêter dans le noble essor qu'il y fait aspirer. C'est pourquoi il corrompt ses affections, et il les rend d'autant plus perverses qu'il le remplit lui-même de plus d'orgueil et de vanité. Mais alors ces affections ainsi corrompues, loin de favoriser en nous les sublimes élans de la vertu, nous entraînent vers l'abîme, parce qu'elles doublent le poids de nos vices. Ainsi la gravité de notre chute est en rapport avec la hauteur d'où nous sommes précipités. La prudence nous conseille donc d'imiter l'image qu'une étoile conduisit au berceau de l'enfant Dieu, et que les anges instruisirent par un songe mystérieux. À leur exemple, nous ne devons point revenir en notre patrie par la même route que nous en sommes sortis, mais suivre cet autre chemin que nous a tracé Jésus, ce roi doux et humble, et sur lequel Satan, son superbe ennemi, ne peut que nous tendre d'inutiles embûches. D'ailleurs les cieux eux-mêmes nous invitent à adorer le Dieu humble et caché dont il raconte la gloire, et dont il proclame la grandeur dans l'univers entier et jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 18, 2, 5. Quant à la mort, elle a été introduite dans le monde par le péché d'Adam, selon cette parole de l'apôtre. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché. Ainsi la mort a passé à tous les hommes par ce seul homme en qui tous ont péché. Romains 5, 12. Or celui qui nous a ouvert cette triste voie, c'est le démon qui, en nous persuadant de commettre le péché, nous a précipités dans la mort. Mais cette mort qui est double dans l'homme correspond en Satan à la perte unique de la grâce, et en effet, il était mort selon l'esprit par suite de sa révolte, et non point selon la chair, tandis qu'en nous entraînant dans son impiété, il nous a soumis à la mort de l'âme et à celle du corps. Il semblait à l'homme qu'il ne s'exposait qu'à la première en se laissant criminellement séduire, et voilà qu'il s'est attiré la seconde par une juste condamnation. Aussi l'Écriture nous dit-elle que Dieu n'a point fait la mort, parce qu'il n'en est ni l'auteur, ni le principe. Toutefois il a pu infliger la mort au pécheur comme un châtiment juste et bien mérité. C'est ainsi que le juge envoie un criminel au supplice, et que la cause de ce supplice n'est point l'équité du juge, mais la faute du coupable. Le démon nous a donc soumis à la mort du corps, sans y participer lui-même, mais par une secrète disposition, et une profonde justice du Seigneur, cette même mort que Jésus-Christ, quoique innocent, a bien voulu subir, nous est devenue un remède de vie et d'immortalité. Et en effet, comme c'est par un homme que la mort est venue, C'est aussi par un homme que vient la résurrection. 1 Corinthiens 15, 21. Mais les hommes s'attachent bien plus à éloigner la mort du corps que celle de l'âme, quoique la première soit inévitable, et ils montrent ainsi qu'ils sont plus sensibles au châtiment du péché, qu'à la malice même du péché. Et, ne les voyons-nous pas chaque jour s'appliquer bien peu, et même nullement à éviter le péché, au lieu qu'ils s'épuisent pour prévenir une mort qu'ils ne peuvent éviter? C'est pourquoi Jésus-Christ, le vrai médiateur de la vie, a voulu nous prouver qu'il ne faut point craindre la mort du corps qui est une condition de notre nature, mais bien plutôt le péché qui donne la mort à notre âme, et que nous pouvons ne point commettre avec le secours de la foi. Il a donc atteint lui-même la fin commune à tous les hommes, quoique par une voie bien différente. Car nous sommes venus à la mort par le péché, et lui par la justice et l'innocence. Aussi, de même qu'en nous la mort et la peine du péché, elle a été en Jésus-Christ l'expiation du péché. Markendanarchive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.